Par le ciel rougi, il surgit de la nuit, entre l'ombre et la lumière, suspendu dans le vide, s'ouvre la page de la réminiscence. Dans mon corps trop petit, le cœur explose et l'esprit danse. Sans haine, sans mépris, je revois tous ces visages, écoute leur parfum, admire leur paysage, goûte leur peau, mes lèvres déposent un baiser. À leurs souvenirs, il me manque tant, tous ceux que j'ai croisés. Je tends une main au passé pour toucher leur mirage, mais je ne fais qu'effleurer le rêve de leur image. Compagnons de route pour une heure ou des années, parfois juste un regard que je n'ai jamais recroisé. Partageant nos doutes, nos peines, nos espérances, nos colères, nos envies, en un mot nos existences. Ce soir je me sens seul, si seul sans eux. Je comprends que c'est leurs yeux qui éclairent les cieux. Je voudrais leur dire ce que je sais, ce que j'ai vu, me décharger sur eux de tout ce que j'ai vécu. Je voudrais leur crier que je suis trop loin d'eux, et que le monde n'est beau que si l'on est au moins deux. Sans haine, sans mépris. La scène me bat, sans besoin de prendre des distances avec la folie. Les doutes refont surface. Ce soir, je me réfugie dans la solitude. Je médite sur l'ensemble de mes incertitudes. Ce soir, je suis seul et j'ai sciemment choisi. Besoin de prendre des distances avec la folie. Besoin de m'approprier ma propre vie. La sérénité sociale sombre étoilée fait-il oublier le sang que l'histoire a versé? Ai-je le temps de prendre une ligne de silence? En mémoire d'un passé en somnolence, des larmes d'ange tombent sur nos visages. Ce jugement invisible se dépose sur nos rivages. Un œil sur l'enfant, il dort paisiblement, loin des enjeux de ce monde parfois terrifiant. Je plonge ma main dans ses cheveux, l'âme apaisée, mais le cœur imbibé de rancœur. Le scepticisme envahit mes pensées, mais le poing reste fermé. Le poing reste fermé. Le poing reste fermé. C'est l'heure du poker avec mon cœur. Je m'excuse devant votre manque. Il me manque tant tous ceux que j'ai croisés. Ce soir c'est mon requiem. Je vais l'écrire pensant que ma fin arrive. Ça va sans dire que ma vie aurait pu être plus belle ou plus difficile. Va savoir pourquoi ce soir cesse mon idylle. Signe de reconnaissance, acte de croyance. Ce soir ma plume me lance vers les cieux, je pointe ma lance. Les larmes abondent, mes yeux trop vite. Sinon pourquoi m'avoir laissé face à moi-même abandonné? La scène me bat sans cesse, laisse-moi donc devenir honnête. Dire au mien je vous aime et mes nuits portent conseil. Ce soir ça va changer, le bonheur peut gouverner. Je veux vous regarder et sans honte me rappeler comment vous dire plus fort. Je m'excuse devant votre mort, sans vous c'est dur encore, mais la vie me rend plus fort. Oui, je veux avancer, vous rendre fier et espérer un jour vous retrouver. Vous embrasser, vous enlacer, dans mes rêves ils s'invitent. Être aimé, parti trop vite, se raconter sans cesse. Nos vies, nos forces et nos faiblesses, nos amours d'antan, nos réussites et nos enfants ensemble une énième fois. Je t'embrasse, signé papa. La vie me rend plus fort. Flambeau, full sense. Flambeau, fort. Je tends une main au passe. Je me réfugie dans la solitude. Ce soir, le noctambule s'enferme dans sa bulle. Pas de clair de lune, juste ce sombre étoilé qui me tient éveillé. Suis-je en train de vaciller en somnolence? Je pense, comme des petites gouttes, les doutes refont surface. C'est l'heure du poker avec mon cœur. J'essaye de bluffer ma peur, mais le joker reste rieur. Il faut que je trouve une échappatoire, sinon je vais continuer à broyer du noir. Pas de lune, donc j'allume une bougie pour éclairer mon esprit. La flamme bouge dans tous les sens. Auprès d'elle, mon âme retrouve de son essence. Le cœur à l'écriture, je rêve éveillé. Mon esprit plane comme une plume qui s'échappe de l'oreiller. J'attrape, trempe dans de l'encre. Une odyssée se prépare à jeter l'encre. Ce soir, je surfe sur cette plume. À vive allure.